Bonjour à vous tous, bienvenue à ce journal dont voici les grands titres. Le président de la République réitère son engagement à combattre la fraude et menace même de limogeage. Les responsables administratifs et sécuritaires des circonscriptions seront rapportés en commerce frauduleux avéré. Évariste Ndayishimiye s'exprimait ce jeudi en Ngozi lors de la célébration de la journée du contribuable. Et les animateurs communautaires de la commune Kiganda en province Muramvya demandent que les contenus de la loi sur les violences basées sur le genre soient vulgarisés pour qu'ils puissent bien sensibiliser la population. Ils s'exprimaient également ce jeudi. Et en actualité internationale, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé de nouvelles restrictions pour endiguer une résurgence de la COVID-19 dans le sud du pays. Et ce jusqu'au 15 janvier 2021. Et les organisateurs des Jeux Olympiques de Tokyo reportés à l'été 2021 en raison du coronavirus annoncent un surcoût de 2,1 milliards d'euros. Voilà pour le sommaire. Isanganiro, la radio de l'avenir. Rebonjour. Le chef de l'État prévient les responsables administratifs et sécuritaires des circonscriptions sera rapporté en commerce frauduleux contre leur limogeage si les faits sont avérés. Cette mise en garde a été émise par le président de la République ce jeudi en Ngozi lors de la célébration de la journée du contribuable. Le président de la République, Évariste Ndayishimiye, a réitéré son engagement à combattre la fraude. Suivez-le dans la traduction de Moïse Misago. Les Burundais ont commencé à constater qu'il faut combattre le commerce frauduleux. Nous félicitons ce commissaire de police qui a répondu à notre appel. Et c'est le même appel que nous allons lancer aux administratifs et ceux de la sécurité. C'est vous qui êtes responsable en premier lieu. La province dans laquelle on trouvera le commerce illégal, nous leur demanderons de quoi ils sont responsables. Nous sommes en train de mettre en place les commissions chargées de lutter contre ce genre de commerce. La province dans laquelle l'on enverra la commission en provenance d'une autre province et puis on attrape des produits issus de la fraude dans cette province, le gouverneur sera limogé, de même que le commissaire de police ainsi que le responsable du service de renseignement. C'est par ces derniers que l'on commencera car ils sont payés pour cela. Un homme averti en vaut deux, dit-il. Non seulement le limogeage, ils seront poursuivis en justice car ils auront protégé le commerce frauduleux. C'est honteux, nous leur avons donner des responsabilités de la province, des communes et par après ne pas accomplir convenablement ces responsabilités. Nous vous exhortons d'aller dans les communes et dites aux responsables communaux que la commune dans laquelle sera attrapé le commerce illégal, l'administratif communal sera démis de ses fonctions. Et les communes vont transmettre ce message dans les collines et ces dernières vont informer ceux qui sont à la base jusque dans les ménages. Où passera encore la fraude? Nous serons déjà présents partout. Chacun réitère son engagement dès aujourd'hui de lutter contre le commerce frauduleux. Le président de la République qui a également invité les opérateurs à augmenter la production. On reviendra sur cet élément. Les animateurs communautaires de la commune Kiganda en province Muramvya demandent que le contenu de la loi sur les violences basées sur le genre soit vulgarisé pour qu'ils puissent bien sensibiliser la population. Ils ont exprimé ce souhait ce jeudi à Kiganda lors de la formation des animateurs communautaires et les nouveaux élus des collines et zones de la commune Kiganda durant les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Au Centre de développement familial et communautaire Kiganda, il demande aux nouveaux élus d'éviter le règlement à l'amiable en cas de violence basée sur le genre, car c'est puni par la loi. Arthur Kavaboshi. Nabo Jean est un des animateurs communautaires du CDFC sur la colline Matiazo de la commune Kiganda dans la province Muramvya. Il demande au gouvernement et à ses collaborateurs de leur donner le livre contenant la loi sur les violences basées sur le genre. Ce que je demande en premier lieu, c'est que l'État et les organismes nous appuient en vulgarisant cette loi au sein de la population, tout en demandant que même les associations qui le peuvent essayer pour que nous, les animateurs, puissions avoir des enseignements nécessaires. Claudine Nizeyimana, en charge du programme Nungwegere 3 de l'ONG de Tabarané, dit qu'après cette formation, ils vont leur donner la copie de cette loi. En fait, ces élus locaux viennent de recevoir un paquet de connaissances en matière de des violences basées sur le genre, mais aussi la loi qui réprimande les VBG. Notre message à leur endroit, c'est qu'ils doivent aller servir le peuple. Nous sommes aussi conscients qu'ils ont été élus pour aider la population. Maintenant, nous leur demandons d'aller au travail avec la connaissance, l'équipement, et la loi. Nous allons essayer de multiplier les copies. Ils vont voir la loi avec eux. Donc, ça sera un outil qui va les aider à bien travailler là où ils ont été élus. Claudine Douimana du CDFC Kiganda demande aux nouveaux élus locaux de ne pas tremper dans le règlement à l'amiable en cas de violence basée sur le genre, car c'est puni par la loi. Ces élus locaux sont nouveaux et actuellement, durant ces 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, des organisations sont en train d'aider pour qu'ils apprennent et sachent que ces violences basées sur le genre sont punies. Et comme ils ont été formés, nous leur demandons que la pratique qui s'observait sur les collines de règlement à l'amiable pour que l'affaire se termine là-bas, que ça soit rompu, surtout qu'il y a des sanctions prévues pour celui qui trempe dans le règlement à l'amiable. Ces enseignements ont été donnés à tous les chefs de collines récemment élus de la commune Kiganda, qui sont au nombre de 16, ainsi que les chefs de zone qui sont au nombre de 3. Depuis la commune Kiganda en province Muranja, Arthur Kavabushi pour la radio Isanganiro. Merci Arthur Kavabushi. On revient maintenant sur la déclaration du chef de l'État qui invite les opérateurs économiques à augmenter la production pour en exporter une partie afin de faire entrer des devises au pays. Le président de la République Evariste Ndayishimiye félicite les contribuables pour leur rapport au trésor public. Je rappelle qu'il s'exprimait ce jeudi à Ngozi lors de cérémonies marquant la journée du contribuable. Suivez-le. Tous les opérateurs économiques qui sont ici, chaque fois que je vous accorde une audience, vous demandez des devises. Et nous vous répliquons la même question, combien apportez-vous pour en avoir une part? Pourquoi posons cette question? Nous posons cette question parce que beaucoup de gens n'ont pas encore compris le fonctionnement de l'État, voire le trésor public. Vous comprenez? Aujourd'hui, nous avons un problème qu'il faut résoudre. Tous les Burundais doivent savoir que nous ne demanderons pas au gouverneur de la Banque centrale de prendre des francs-bouts et aller acheter les devises comme vous le faites ici. Vous utilisez les francs-bouts pour avoir des devises dans les banques. Pour lui, c'est impossible. Il ne peut pas prendre des fonds des particuliers et aller acheter des devises. Il faut augmenter la production pour l'exporter et par après rapatrier les devises. Cette journée est une occasion de se rappeler ce que nous sommes en train de faire pour développer notre pays. C'est pour la cinquième fois que l'Office burundais de recettes OBR organise une journée pareille. C'est une bonne tradition qui nous montre le rôle de chaque citoyen et surtout les contribuables, leur rapport dans le développement du pays. C'est aussi une occasion de féliciter les contribuables. Les finances publiques que vous nous donnez pour gérer proviennent ici de tous les Burundais qui sont des contribuables et par après, les responsables les gèrent de façon transparente pour développer le pays. Le président de la République, Evariste Ndayishimiye, traduit par Moïse Misago. Et en bref, plus de 500 bouteilles de vin entrées frauduleusement ont été saisies ce vendredi par l'Office burundais des recettes. Ces bouteilles ont été attrapées au port de Bujumbura avec des habits et des pierres précieuses non encore identifiées. Le navire qui a cheminé ces marchandises uniquement déclaré uniquement le ciment, comme l'informent les employés de l'OBR au port de Bujumbura. Actualité internationale. Les organisateurs japonais des Jeux olympiques de Tokyo 2020 ont annoncé ce vendredi que l'événement est reporté à l'été 2021 à raison du coronavirus et coûterait au moins 267 milliards de yens, soit 2,1 milliards d'euros. De plus qu'estimé précédemment selon l'agence AFP Sport. Aux États-Unis, le nouveau président américain Joe Biden compte demander au public américain de porter le masque pendant ses premiers 100 jours à la tête des États-Unis pour faire face au coronavirus, il l'a dit dans une interview accordée à la radio CNN. Et le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé de nouvelles restrictions pour endiguer une résurgence de la COVID-19 dans le sud du pays, et ce jusqu'au 15 janvier 2021. Aubin Niyonguru. La première interview conjointe de Joe Biden et Kamala Harris depuis leur victoire à l'élection présidentielle américaine s'est déroulée ce jeudi soir sur la chaîne CNN. Le président et la vice-présidente élus ont énuméré leurs priorités. Entre autres, ils ont cité la lutte contre la pandémie de COVID-19, l'économie, les inégalités raciales et le climat. Joe Biden et Kamala Harris se veulent exemplaires face à la COVID-19. Ils se feront tous deux vacciner dès que possible. Barack Obama, George Bush et Bill Clinton, tous anciens présidents, ont aussi accepté de se faire vacciner publiquement. Au Japon, le report des Jeux olympiques de Tokyo initialement prévu lors de l'été 2020 et reporté d'un an ne sera pas sans conséquences économiques à cause de la pandémie de COVID-19. Les organisateurs ont annoncé ce vendredi que les Jeux olympiques coûteraient au moins 2,1 milliards d'euros de plus qu'estimé précédemment. En Éthiopie, les soldats du gouvernement ont empêché les habitants de la région de Tigré de passer au Soudan par le poste de frontière le plus fréquenté par les réfugiés. Le commissaire européen pour la gestion des crises s'est rendu près de l'une des zones clés au camp d'Omrakouba au Soudan. Il a exhorté le gouvernement éthiopien à rétablir les communications dans la région du Tigré. Et en Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a annoncé de nouvelles restrictions pour endiguer une résurgence de la COVID-19 dans le sud du pays, et ce jusqu'au 15 janvier 2021, conformément à la loi sur la gestion des catastrophes. Un couvre-feu plus strict sera imposé à 22 heures, alors que dans le reste du pays, leur limite est fixée à minuit. La vente et la consommation d'alcool seront à nouveau limitées afin de réduire les admissions pour traumatisme dans des hôpitaux très fréquentés. Les réunions sociales seront aussi plafonnées. L'Afrique du Sud a enregistré plus de 4 400 nouvelles infections ce mercredi, soit la plus forte augmentation sur 24 heures depuis la mi-août. Alors que les programmes de vaccination se préparent dans le monde entier, la pandémie de COVID-19 continue sa progression. Elle a fait plus de 1,5 million de morts dans le monde. Les États-Unis ont battu le record de nouveaux cas détectés en une seule journée. Aubin Niyonguru, et c'est sur ces nouvelles brèves en actualité internationale que nous bouclons ce journal. Mais avant de nous séparer, je rappelle que le président de la République réitère son engagement à combattre la fraude et menace même de limogeage les responsables administratifs et sécuritaires des circonscriptions où sera rapporté un commerce frauduleux avéré. Évariste Ndayishimiye s'exprimait ce jeudi en Ngozi lors de la célébration de la journée du contribuable. Et je l'apprends en même temps que vous, plus de 500 bouteilles de vin qui allaient entrer au port de Bujumbura frauduleusement ont été saisies par les agents de l'OBR. Et les animateurs communautaires de la commune Kiganda en province Muramvya demandent que le contenu de la loi sur les violences basées sur le genre soit vulgarisé pour qu'il puisse bien sensibiliser la population. Et en actualité internationale, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé de nouvelles restrictions pour endiguer une résurgence de la COVID-19 dans le sud du pays, et ce jusqu'au 15 janvier 2021. Et les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo reportés à l'été 2021 à raison du coronavirus annoncent un surcoût de 2,1 milliards d'euros. Il est 13h12 à Bujumbura et sur Isangani. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Ce journal a été mis en onde par Toussaint Mitevoutsi. Au micro, Jean Bosco Hunduimana. Passez un très bon après-midi.